sango, sango ne sango, sango ya mbozo baka. Kana zali mobali, mobali ya tembe, awa onse. Kai na ekola botanga kaba journo, bako yebisa. Ino bolingi tembe, kai na mboi tembe, bapikisi. Ino bolingi makambo, kai na mboi makambo, nako banga a. Sango ya mbozo baka Kana zali mobali Mobali ya tembe Awa onse Kaina yekola Botanga kaba journo Bako yebisa Ino bolingi tembe Kaina mboi tembe Bape kisi Ino bolingi makambo Kaina mboi makambo Nako banga a. Likambo yango yango ndokioni Balobi biso tokomi bafoire Balobi biso tokomi na makabana Balobi lisusu bakopanza biso Bon, toke nandako. Et comme nandako, ah, madame, écoute, carine le chèque nanga etikali na voiture. Et comme na voiture, ah, madame, madame nanga est comme rejetée. C'est là, dans la fin du mois. Yango peko kosa kapati, yaba ninga, yango peko sala kapé soki songi na mabale yaba ezali mabe. Yango wana pe, na peki si yo neko. Soki o zongeli, toko sala manso oyo biso tozali kolinga. Bon, ah, tu as le ming, tu as le ming, tu as le ming, moi, le kambo moko. Hein? Ouais. Eh, alors, nous, on te salue que nous avons un air. Ouais. Y a plus de moko na air. Blanc. Ah, bon, alors, ma sœur, moi, dans le Congo, yo peux voir que la brasade. Pesanga mundulo yo, peto yoka, pe batu pe a pembeni, pe ba yoka biso. Hein? Bon, c'est ok. Voiture en occasion, pour continuer ma pamba. La cantabine en somme l'année gagnée, à ma pange à mon nez. Mini va péchoué, mettez la pas du moto. Donc on amène la bino. Voiture en occasion, pour continuer ma pamba. Thank you. na bino na mbulo yo mete na pasi moto na mbulo yo toko na me na bino oh na mbulo yo mete na pasi moto oh na mbulo yo toko na me na bino oh na mbulo yo mete na pasi moto oh na mbulo yo toko na me na bino.